Oui, c'est en plein ça. Puis, tu sais, le bouche à oreille fait son effet aussi, là. Cette année, on voit quand même là, que pour le 15 km, il y a des nouveaux visages là, venus d'un petit peu partout au Québec. Même une nageuse égyptienne et un nageur australien là, qui vont venir au Lac Adjim, là, en fait. Okay.